Comment faire pour intervenir au niveau de l'ego pour faire taire l'intellect? Ah là, ça c'est un travail. Il faut que l'intellect se voie lui-même, c'est-à-dire qu'il va falloir atteindre un plan d'observation objectif de l'intellect. Ce qu'on pourrait appeler une métaconscience, un surmental. Il y a longtemps, je pense en 2016, j'avais fait une vidéo qui était introduction. Non, c'est ça? Au supramental, je ne sais plus. C'est une vieille vidéo où j'explique que il faut que l'ego se voie lui-même. De toute façon, c'est à ça que ça sert l'ego pour se désopacifier, dans le sens que il va falloir qu'il y ait une observation objective des mécanismes subjectifs de l'intellect. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a un surmental engendré. Donc, l'intellect, il va se taire parce que tout simplement, il va se voir. C'est un peu comme. Comment je pourrais dire ça? Il y a des choses qui cessent immédiatement. C'est comme si vous apprenez à danser d'une façon naturelle, puis que tout d'un coup, vous vous mettez à vouloir vous concentrer sur chaque mouvement, puis vous vous regardez les pieds, bien là, vous allez vous tromper de pas. C'est un peu pareil, l'intellect. C'est-à-dire que pour que l'intellect se voie lui-même, il faut créer quelque chose en dehors de l'intellect, puis ça, c'est en essayant de sortir en sortant de l'attitude de vouloir contrôler les pensées, de vouloir structurer tout le temps, de tout le temps. Donc, c'est, je dirais, par une capacité à entrer dans des formes de laisser aller au niveau de votre pensée. Il faut qu'il y ait une certaine rigidité qui cesse. Donc, puis ça, c'est par la répétition. Ça va devenir de plus en plus aisé. C'est comme n'importe quoi. Donc, il y a aussi peut-être à force de souffrir de votre intellect. À un moment donné, il va y avoir un mécanisme